Juste vous dire que tantôt, on va avoir quelque chose d'explosif à vous faire entendre. En fait, différentes choses. Ça s'est dit en commission parlementaire hier. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec en font mention partiellement ce matin. Des écolos gauchistes farfelus qui veulent la fermeture de Radio X. Ça a été dit en commission parlementaire hier. Incapables de débattre de manière intelligente et intelligible. C'est la loi du mot de fer fermé à gueule. Sur les voies réservées, ben c'est ça. Incapables d'argumenter. Incapables d'avoir un discours structuré sur les voies réservées. Ça prend les voies réservées parce que eux autres, ils vont être dans le trafic, puis ils vont voir l'autobus, puis... façon de la manière agressive. La manière agressive de nous rentrer ça dans la gorge. Une guerre à l'automobiliste, de manière très claire. Là. Ils le disent clairement. C'est correct. Ils le disent. Parfait. Là, on le sait que c'est une guerre contre l'auto. On le sait, là. C'est pas besoin de tourner autour du pot, ils le disent. Parfait. Mais Alexandre Turgeon, l'un des lobbyistes verts qui est venu prendre place au Salon Bleu, Salon Rouge, pardon. C'est une de ses propositions. C'est une de ses propositions, fermer Radio X. Mais plus que ça, on va vous faire entendre tantôt. Amir Kadir veut mettre sur pied, ça, ça n'a pas sorti, là. Si Québec solidaire prend le pouvoir, là, ça vous donne une idée de la couleur de ce parti-là, là. Veut mettre sur pied des tribunaux spéciaux pour faire comparaître Radio X et les faire fermer. C'est pas de l'invention. C'est pas de l'invention, là. Pas un tribunal, c'est une commission parlementaire. Ouais, c'est pas ce que j'ai entendu, là. Ouais. Mais un ou l'autre, c'est plus intelligent, Jean-Claude? Il veut faire fermer Radio X. Non, mais juste donner le bon, mais tu sais, c'est... Ça n'a pas de sens. Lui a trouvé ça, c'était une maudite bonne idée, là. D'en jaser, en tout cas, là. C'est ça, de fermer Radio X sous un régime solidaire. Mais même penser qu'un élu pense à ça, là. Hey, c'est pas fou, ça. On pourrait peut-être en jaser de... encadrer ça, là, les radios, puis là, ce qu'ils ont le droit de dire, puis pas de dire, puis... C'est très épeurant. Vous savez, on a reçu au cours des dernières semaines Françoise David, des questions, le fun, ça a été un échange correct. Manon Massé aussi. Mais la vraie volonté de ce parti-là, Kadir vient de le dire, hein. Mais ça a été dit hier en plein Parlement. C'est épouvantable. Vous l'avez pas entendu encore, là. Je viens de l'entendre durant la pause. On vient de le sortir en extrait, là. Je vous le dis, c'est épeurant. C'est son grand retour à Radio X. Elle va être